Le pâté de perdreau par Marie Écart. Dans l'automne de 1805, vers le milieu de septembre, au moment où la chasse s'est permise à tous les actions, à tous les méliagres de Paris et des départements, Brillat Savarin se présenta un matin dans le cabinet de son Altesse Sérénissime, le prince Cambacérès, archichancelier de l'Empire. Brillat Savarin, qui n'est guère connu de la génération actuelle que comme auteur de la physiologie du goût, était alors conseiller à la cour de cassation, poste honorable, qu'il a rempli jusqu'à la fin de sa vie avec autant de talent que d'intégrité. Homme d'esprit, convive et aimable, possédant un fond inaltérable de gaieté, il faisait le charme des sociétés assez heureuses pour le posséder. Nous allons le présenter ici, s'occupant ou ayant l'air de s'occuper de ce qui fait l'objet de son livre, et nous sommes obligés de dire avec un de ses biographes, pour prévenir les lecteurs, qu'on aurait une idée bien fausse de l'auteur de la physiologie du goût, si on prenait au sérieux les préceptes qu'il a tracés en se jouant, avec toute la gaieté de son esprit et de son caractère. Savant dans ce que Montaigne appelle si énergiquement l'art de la gueule, Brillat Savarin était naturellement sobre. Le repas le plus frugal suffisait à son appétit robuste, et l'art de la cuisine n'avait rien à faire pour le provoquer. Il ne ressemblait en aucune manière à ces individus dont il dit si plaisamment « Pour émouvoir des estomacs de papier mâché, pour faire aller des efflanqués chez lesquels l'appétit n'est qu'une velléité toujours prête à s'éteindre, il faut au cuisinier plus de génie, plus de pénétration et plus de travail que pour résoudre l'un des problèmes les plus difficiles de la géométrie de l'infini. » Ce n'était pas pour des affaires d'État que cet homme sobre allait surprendre ainsi l'archichancelier à l'heure du déjeuner. C'était pour lui apporter un pâté. « Monsieur est-il libre ce matin ? » dit-il d'abord. « Parfaitement. » Et je compte, après mon déjeuner, aller chez Régnier et passer ma journée avec lui. Régnier était alors grand juge et ministre de la justice. C'était un jurisconsulte distingué, et Cambacérès, homme fort instruit en ces matières, le consultait volontiers. Mais monseigneur déjeune, sans aucun doute, et puisque vous voilà, Savarin, vous me ferez l'amitié de déjeuner avec moi. Votre Altesse est trop bonne. J'accepte et j'apporte mon plat. Oh, oh. Oui, monseigneur. Je viens de chez ma vieille amie, Madame Chevet, et je suis sorti de son magasin avec une bonne histoire et un excellent pâté. Laquelle vaut mieux de ces deux choses, mon cher Brillat ? Il faut distinguer, monseigneur, à table, sans contredit, c'est le pâté. Eh bien, allons nous mettre à table, et une chose viendra après l'autre. Brillat Savarin avait fait remettre le pâté au chef de la bouche de monseigneur l'archichancelier, et ce produit parfumé du Périgord occupait le milieu de la table, brillant, doré et aussi flatteur à l'œil qu'il serait délicieux au goût. La gastronomie n'est pas l'art de beaucoup manger tant s'en faut. Elle est l'art de bien manger, et son but est de veiller à la conservation des hommes au moyen de la meilleure nourriture possible. Elle est ennemie des excès. On voit donc qu'un gastronome est en même temps un philanthrope. L'ordre, le soin, l'économie sont également les compagnons de la gastronomie. Car il est prouvé qu'il n'en coûte pas plus cher pour faire un excellent plat avec une poitrine de mouton que pour en faire un mauvais. Il ne faut pour cela qu'une plus grande somme d'attention et d'intelligence. Tels étaient les principes de Brillat Savarin et de Cambacérès, qui passaient dans leur temps pour deux grands gastronomes, c'est-à-dire pour deux hommes d'esprit qui savaient manger. Aussi l'archichancelier, en entrant dans sa salle à manger, jeta-t-il un regard satisfait et sur le mets nouveau qui ornait sa table et sur le convive aimable qui lui procurait une jouissance nouvelle. Tandis que l'archichancelier mange ce pâté, nous allons en faire l'histoire, ou pour mieux dire, celle de celui qui l'avait fait. En 1793, vivait à Périgueux, à 120 lieues de Paris, M. le comte de G., homme de 40 ans à peu près, riche, ancien mousquetaire, chevalier de Saint-Louis et grand chasseur. Il avait une femme qu'il aimait beaucoup et une petite fille âgée de 9 ou 10 ans, lorsque la Révolution vint le surprendre et le menacer. Elle exigeait certaines concessions qu'il ne voulait pas faire, et M. le comte tenait à certaines prétentions nobiliaires que la République ne reconnaissait pas. Il fallait ou lutter ou fuir. M. de G. prit ce dernier parti et passa en Angleterre avec sa femme et sa fille. La position des émigrés fut très pénible à Londres, quoique la plupart d'entre eux reçussent des secours du gouvernement anglais, et que M. le comte de G. fut de ce nombre. Beaucoup supportèrent une misère subite et imprévue avec une constance et une gaieté vraiment françaises. ils ne rougirent pas de se livrer aux industries les plus communes et utilisèrent quelques notions de menuiserie et de serrurerie apprises pour Valu Lémile, ouvrage qui, quelques années auparavant, avait enthousiasmé la haute société française. Ainsi, Jean-Jacques leur vint en aide. Les femmes firent des modes, des fleurs artificielles. Elles taillèrent des robes, firent des broderies, mais Madame la comtesse G. tomba, en arrivant à Londres, dans une maladie de langueur qui ne lui permit aucun travail, et M. le comte avait lu les mille, sans apprendre pour cela à pousser le rabot ou à faire jouer la lime. Je me trompe, il était chasseur, et un chasseur c'est à peu près tout, depuis l'art d'éverrer ses chiens, jusqu'à celui de mettre à la broche une mauviette ou ses bélins, ou ses bétiques s'il parfumait dans le Périgord. L'art de la cuisine était alors fort reculé en Angleterre. Je n'en veux pour preuve que la sensation délicieuse éprouvée par Sterne. Lorsqu'arrivé à Calais, il mangea pour la première fois une fricassée de poulet à l'hôtel de M. Dessin. Brigas Savarin cite un M. d'Aubignac qui fit sa fortune en enseignant aux Anglais l'art d'accommoder la salade. Aux États-Unis, un émigré s'enrichit en ouvrant un restaurant où il servait aux Américains des œufs brouillés au fromage, plat simple, mais jusque-là ignoré des compatriotes de Washington. Les Anglais vivaient alors de bœuf rôti, de porc frais, de volaille et de poisson bouilli, à quoi ils ajoutaient des tartes grossières faites avec certaines baies sauvages. Le roi d'Angleterre, le prince de Galles son fils et quelques riches seigneurs avaient, il est vrai, des cuisiniers français. Mais leur art était une science occulte dont la population anglaise ne se doutait pas, et le plus riche négociant de la cité n'avait jamais entendu parler d'un salmi. Monsieur le comte de G., que l'indigence pressait, et que la maladie de sa femme obligeait à des dépenses auxquelles il ne pouvait subvenir, se décida à devenir de mousquetaire cuisinier. Il mit sa croix de Saint-Louis dans sa poche et il fit des pâtés. Il loua une boutique dans la cité et fit peindre sur son enseigne un pâté monumental avec ces mots alentour « A French pastry cook ». Quoiqu'il eût des dispositions particulières pour son nouvel état, il ne fut jamais content de ses œuvres. Cela manquait d'arôme, de parfum, de fini, l'eau de la Tamise donnait à la pâte une lourdeur fâcheuse. Monsieur le comte, pour satisfaire des palais peu délicats, était obligé en outre de recourir à des assaisonnements violents. Le poivre de Cayenne, le gingembre et la noix muscade, dont les Anglais aiment à saupoudrer tout leur ragoût. D'ailleurs, les truffes manquaient, ou celles qui arrivaient de France par les smogleurs ou contrebandiers étaient avariées. Comment faire un pâté sans truffes ? Le gibier qui avait brouté la luxuriante verdure des prairies d'Albion était gras, dodu, superbe à l'œil, mais privé de goût. Il faut au lièvre le thym et le romarin des montagnes du Dauphiné ou des collines du Périgord pour que sa chair noire s'imprègne de sucs aromatiques. La perdrix a besoin de manger les graines amères de nos bruyères pour devenir ce mets exquis que recherchent les vrais gastronomes. Malgré tous ces inconvénients, le comte trouva dans son industrie les moyens de subvenir à l'éducation de sa fille, qu'il plaça dans un pensionnat, et de soigner une femme infirme qui mourut après avoir langui 2 ans. Enfin, des jours meilleurs se levèrent, la France victorieuse reprit un peu de tranquillité et rappela ses enfants exilés. Monsieur le comte de G. vendit sa batterie de cuisine, prit sa fille sous son bras et revint à Périgueux. Ses biens étaient passés en d'autres mains. Les champs paternels étaient toujours là, mais d'autres vendangeaient et moissonnaient pour le comte. Il ne possédait plus rien à Périgueux. Il louait une petite maison modeste près du marché et s'y établit avec sa fille, grande et belle personne, dont la figure élégante et gracieuse unissait à l'animation piquante de nos filles du midi l'expression mélancolique qui rend les Anglaises si séduisantes. Monsieur le comte alla visiter les ruines de son manoir démoli. Il se promena dans les longues avenues de ses bois demi-abattus. Et revenant chez lui le cœur gros de soupirs, il passa par le marché. Là, il vit la perdrix rouge peut-être tuée dans ses terres, la truffe peut-être trouvée au pied de l'un de ses chênes. Le mousquetaire ne pouvait plus tirer l'épée. Le chasseur ne pouvait plus poursuivre son gibier. Le cuisinier éprouva une douce émotion. Monsieur de G. acheta quelques perdreaux, 2 ou 3 livres de truffes. Il se munit de tous les ingrédients nécessaires et se rendant chez lui, il mit à faire un pâté tous les soins et toute l'attention nécessaires. Il travaillait pour lui. Il voulut savoir jusqu'à quel point de perfection il pourrait porter la confection d'un pâté. Il se mit donc à l'œuvre, désossa ses bêtes, choisit ses truffes, pétrit sa pâte et mit au four. Il en résulta un pâté savoureux. Les perdrix étaient succulentes, les truffes parfumées, et la croûte, pétrie avec les eaux de l'île, petite rivière qui coule au pied de Périgueux, avait une légèreté remarquable. Monsieur le comte était un excellent pâtissier. Cependant, les minces économies faites à Londres dans la boutique de la cité s'épuisèrent. Il fallut songer à vivre et acheter des robes à une jeune fille d'une beauté digne d'un prince. Monsieur de G. fit un pâté et le porta à l'évêque, car Périgueux est le siège d'un évêché. « Monseigneur, dit-il à l'évêque, je ne viens point solliciter vos secours, mais vous demandez protection pour mes pâtés. Votre table est digne d'un prince de l'Église. Vous y confiez la fleur du département. Donnez-moi votre pratique si vous croyez que je la mérite. » Monsieur de G., qui en des temps plus heureux avait été un des premiers personnages de la Dordogne, demanda seulement le secret. L'évêque était connaisseur. Il donna au comte la pratique du préfet, celle du président du tribunal de première instance et celle du président de la société d'agriculture, gastronome distingué. Les principaux habitants de Périgueux voulurent aussi avoir des pâtés du comte. On mangeait les pâtés, on les payait bien, et on feignait d'ignorer le nom de l'artiste habile qui les confectionnait. Cependant, M. de G. trouva quelque chose de pénible dans l'indulgence de ses concitoyens, et il voulut s'affranchir de cette espèce de servage en exportant ses produits. Il avait entendu parler de Mme Chevet dont le magasin contenait les produits gastronomiques des deux mondes, et il eut l'orgueil de penser que ses pâtés pourraient se produire sans désavantage auprès de ceux de Strasbourg et de Pithiviers. Il envoya donc un de ses pâtés à cette vieille amie de Briey-Savarin, avec une lettre où il la priait de goûter à cet échantillon de son talent et de lui dire s'il pourrait lui faire des envois réguliers en supposant qu'elle trouvât le pâté bon. Madame Chevet montra la lettre à son amie Briat et le pria de manger le pâté afin de donner son avis. Elle se défiait d'elle-même et avait la plus grande confiance en celui qui se nommait lui-même le professeur. Briey-Savarin lut la lettre et comme elle était signée du véritable nom du comte, il fit un cri de surprise. « Monsieur de G. qui fait des pâtés. Monsieur le comte, un fier gentilhomme. Mais j'ai chassé avec lui dans ses terres en 1787. » Puis, comme il était philosophe pratique, qu'il avait été le témoin d'événements extraordinaires, et que lui-même avait été réduit pour vivre de jouer pendant 2 ans de la basse à l'orchestre du théâtre de New York, il leva les yeux au ciel et fit une prière mentale à la suprême intelligence qui règle toutes choses dans ce monde et dans l'autre. « Celui qui procure aux hommes, dit-il, une jouissance nouvelle et innocente, a bien mérité de l'humanité. Béni soit donc, monsieur le comte de G., pourvu que son pâté soit bon. » Il emporta la pièce en litige et se chargea du rapport. Le pâté était excellent. Et Briey-Savarin assura Madame Chevet que Paris tout entier voudrait goûter un mets aussi délicieux. Le débit du pâté du comte de G. augmenterait la fortune de la marchande et lui permettrait de jouir 10 ans plus tôt d'une petite villa qu'elle possédait à Charonne, à 1 lieue de Paris. Madame Chevet écrivit au comte de lui envoyer 30 pâtés tous les jours et d'en fixer lui-même le prix. Elle accompagna cette commande d'un éloge excessif de ses pâtés en lui faisant délicatement observer qu'il devrait ajouter foi à ses éloges puisque devant acheter les marchandises du comte, elle avait intérêt à les déprécier mais elle était au-dessus de ses mercantiles façons d'agir et avait l'habitude de mettre une grande loyauté dans ses transactions. Le comte répondit courrier par courrier. « Madame, vous me paraissez étrangère au premier principe de l'art culinaire. 30 pâtés par jour, impossible, à moins de me gâter la main et de vous envoyer des produits défectueux, ce qui serait un manque de bonne foi et même une tromperie. À peine, sur me livrant un travail de 7 à 8 heures par jour, je puis parvenir à confectionner 2 pâtés pareils à celui que j'ai l'honneur de vous envoyer. Je fais des pâtés, madame, tout en me souvenant que je suis gentilhomme, que j'ai servi mon roi sous l'Ancien Régime et que j'ai porté la croix de Saint-Louis. Rien d'imparfait ne doit sortir de mes mains ni de mon tour. Il m'est impossible d'accepter vos propositions. J'ai l'honneur, madame, etc. » Briey-Savarin lut cette lettre et il admira cet amour de l'art, ce culte des bonnes choses exempt de tout alliage impur, qui faisait de M. de G. un artiste parfait. « Ah !» se dit-il à lui-même en soupirant, « quel dommage que cet homme ne soit pas né cuisinier !» Car il sentait bien que M. de G. n'était point à sa place, que les bouleversements inévitables dans une révolution l'avait déplacé, et qu'un accident, quel qu'il fût, lui redonnerait nécessairement la place qu'il devait occuper dans la société. Il s'empara de la lettre et dit à Madame Chevet d'acheter tous les pâtés que lui enverrait l'ancien chevalier de Saint-Louis. Brillet-Savarin devinait juste. Dans le temps précisément où M. de Gey entamait sa négociation culinaire avec Madame Chevet, le 10e régiment d'infanterie légère arrivait à Périgueux, où il devait rester quelques mois en garnison. M. le capitaine Rigaud avait l'honneur de commander une compagnie dans ce régiment. C'était un jeune homme de 29 à 30 ans, beau, bien fait, l'œil vif, le teint brun, la chevelure noire et bouclée. Riche, car il était fils d'un des premiers manufacturiers de l'époque, et sans qu'il s'en doutât, protégé par l'empereur, par la double raison qu'il était aussi brave qu'intelligent, et que le chef de l'État tenait à être agréable à son père, dont l'industrie enrichissait la France. Le capitaine vit un jour, par hasard, Mademoiselle Amélie de Gey, et il fut touché d'une beauté à la vérité peu commune, et de certaines grâces qui faisaient de la jeune fille une personne accomplie. Il prit des informations, et il sut que Mademoiselle de Gey était fille d'un émigré dont on lui dit l'ancienne fortune et la position nouvelle. Il apprit aussi que Madame de Gey était morte en Angleterre, et qu'ainsi Mademoiselle de Gey n'avait d'autre surveillant qu'un père qui faisait des pâtés. Sous l'Empire, on aimait beaucoup les troubadours, les pèlerins, les pages. On raffolait des souvenirs de l'ancienne chevalerie, et la galanterie espagnole était à la mode. Le capitaine Rigaud prit une guitare, s'enveloppa d'un manteau, et à 2 heures après minuit, par un beau clair de lune, il alla chanter sous les fenêtres de celle qu'il aimait, tandis que tout sommeil. Une fenêtre s'ouvrit au premier étage. M. de Gey parut en bonnet de nuit. « Monsieur, dit-il au jeune amant, tandis que tout sommeil, il ne faut pas réveiller les gens qui dorment, surtout si tout ne sommeille pas, comme moi, par exemple. Dans la pièce à côté de la mienne, ajouta M. de Gey, dort ma fille. Elle a le sommeil très léger, et je vous serai fort reconnaissant si vous voulez bien ne pas troubler son repos. » Ce disant, le gentilhomme pâtissier referma sa fenêtre. Le capitaine Rigaud brisa sa guitare de rage, et obligé de quitter la rue, il se mit à chanter malgré sa mauvaise humeur. « Partez, volez, zéphyr joyeux, portez mes chants vers mon ami, dites que je veille en ces lieux, etc. » Et il alla se coucher, sans savoir si les zéphyrs s'acquitteraient du message. Les jeunes gens amoureux rencontrent toujours sur leur chemin quelques vieilles femmes obligeantes, qui, pour 2 ou 3 écus, se chargent de leurs affaires et les font bien. Le capitaine trouva une de ces femmes qui porta des lettres à Mademoiselle Amélie et qui se chargea de dire à la jeune fille que l'écrivain était jeune, beau, riche et en passe de devenir général. Elle ajouta qu'il brûlait d'amour pour elle et ensuite qu'une jeune personne bien élevée ne pouvait pas se dispenser de répondre quand on lui faisait la politesse de lui écrire. Mademoiselle de Gey était fort lasse de voir son père faire des pâtés et de vivre dans cette obscurité besogneuse dont M. de Gey ne pouvait pas sortir. Elle avait remarqué de son côté le capitaine Rigaud et il ne lui déplaisait pas. Lorsque le capitaine avait pris les zéphyrs de porter ses chants vers elle, les zéphyrs avaient fait la commission, elle se rendit donc aux prières de la vieille messagère et répondit avec sagesse qu'elle dépendait de son père et que c'était à lui qu'il fallait s'adresser, soit pour chanter des romances sous ses fenêtres, soit pour lui parler d'amour. Le capitaine comprit parfaitement qu'il ne s'agissait point ici d'une petite amourette de garnison et qu'il ne pouvait continuer à écrire à Mademoiselle de Gey que s'il songeait à l'épouser. Ce n'était pas une jeune personne qu'on pût espérer de séduire à l'aide d'une vieille femme ou avec une lettre bien tournée. Il s'ouvrit à son colonel. Celui-ci était un de ces gentilshommes qui, en 1792, avaient pris le mousquet au lieu d'émigrer. Il connaissait M. de Gey, et il loua fort le capitaine de songer à une telle union. On écrivit au ministre de la guerre, on écrivit à M. Rigaud le manufacturier, et toutes les permissions obtenues, le jeune capitaine, muni d'un congé et en grand uniforme, alla frapper à la porte de M. de Gey. Le gentilhomme était dans un petit salon, dont la fenêtre étroite donnait sur un jardin. Assis devant une table recouverte d'une serge verte, il lisait alternativement dans 2 volumes ouverts sous ses yeux et bien différents l'un de l'autre, c'était Racine et Shakespeare, dont la langue lui était familière. Oubliant ainsi sa mauvaise fortune et ses pâtés de perdreau, il passait des fureurs de Phèdre aux lamentations de Hamlet et des cris de Clytemnestre aux larmes du roi Lear. La littérature consolait ainsi le comte des rieurs de sa destinée. Il s'administrait à doses à peu près égales de produits intellectuels d'une nature différente et faisait un salmis de Jean et de Williams. Fier comme un gentilhomme et fin comme un vieux chasseur qu'il était, il savait parfaitement le motif de la visite du capitaine Rigaud, et il n'avait nul besoin de Shakespeare pour deviner que Mademoiselle Amélie était une Juliette qui soupirait pour le Roméo qui se présentait devant lui, ni de Racine pour savoir que sa fille ressemblait beaucoup à Iphigénie, amoureuse du jeune Achille. Il se leva avec la majesté d'Agamemnon et salua le capitaine d'une manière gracieuse et digne. « Monsieur, dit-il, désire un pâté. » Le capitaine, interdit, ne trouva pas un mot à répondre. « Tout périgueux, continua Monsieur de G, sait que je fais des pâtés, et tout périgueux feint de l'ignorer. On me fait des commandes par écrit. « Mais vous êtes étranger, monsieur, et j'ai pu penser que vous veniez vous-même. »« Oui, monsieur, » répondit monsieur Rigaud en balbutiant. « Je suis étranger au Périgord. Je suis de Paris et capitaine au 10e d'infanterie légère. J'avais le grade correspondant quand je servais dans les mousquetaires en 1783. »« Oui, monsieur. J'ai eu l'honneur, » ajoute avec modestie monsieur Rigaud, « de prendre quelques canons aux Prussiens en tête de ma compagnie. » Et j'ai plusieurs raisons pour croire que j'aurai bientôt de l'avancement et peut-être la croix. Sa Majesté Louis XVI, de douloureuse mémoire, dit M. de G. avec émotion, m'a décoré de la croix de Saint-Louis. Nous sommes frères d'armes, monsieur, s'écria le jeune homme, puisque nous avons tous deux servi la France. M. de G. s'inclina avec une noble dignité qui rappelait l'œil de bœuf et nullement le pâtissier, et son regard interrogateur semblait dire au capitaine « Que me voulez-vous ? » « Je suis riche, » continua le capitaine. « Je l'ai été, » dit M. Léger. « Et vous l'êtes toujours ? » s'écria Rigaud. « Moi ?» reprit M. Léger. « Je n'ai plus rien. Mon château a été démoli, les pierres en sont dispersées, mes forêts abattues, et celles qui sont debout appartiennent à d'autres qu'à moi. Vous savez, monsieur, à quelle industrie indigne de moi je dois le pain que je mange, et vous dites que je suis riche. Vous avez un trésor inestimable, monsieur. » M. de G. jeta sur le jeune homme un regard fixe et il attendit. « Mademoiselle, votre fille, » ajouta le capitaine en hésitant. « Eh bien, je l'aime, je l'adore. Et si une position avantageuse, quelque fortune et peut-être quelque qualité, êtes-vous gentilhomme ?» demanda résolument M. de G. Et il fallait, en effet, de la résolution pour faire cette question dans un moment où le mot gentilhomme avait disparu de la langue et même des souvenirs du pays. Monsieur le capitaine Rigaud demeura interdit et comme stupéfait. Monsieur, continua Monsieur de G. en fermant soigneusement les volumes de Racine et de Shakespeare ouverts sur sa table, il ne manque ici qu'un Molière, où vous pourriez me montrer comme quoi Monsieur Jourdain fait la même question à un officier comme vous qui lui demande sa fille. Mais il y a cette différence que ce Monsieur Jourdain était marchand de tapis et riche. Moi, je suis un véritable gentilhomme, et un gentilhomme dépouillé de ses biens. Il me reste, en effet, un trésor inestimable et qu'on ne peut pas m'ôter, c'est ma noblesse, c'est mon nom. Jamais ma fille ne sera Madame Rigaud. Libre à vous de dire qu'un pâtissier vous a refusé sa fille. Le comte de G. ne vous veut pas pour gendre. J'ai l'honneur de vous saluer. » Et M. de G., dont la taille avait gagné 2 pouces de hauteur, prit poliment M. Rigaud par la main et le conduisit jusqu'à sa porte. Si le capitaine n'eût pas été sérieusement amoureux, il aurait donné un libre cours à sa colère et trouvé quelques sarcasmes bien durs pour punir l'outrecuidance du gentilhomme. Un duel s'en serait suivi, nécessairement car M. de G. était en cordage et d'encolure à tirer l'épée, mais ce n'est pas l'usage en France de tuer le père pour épouser la fille. Le capitaine dévora donc son dépit et alla épancher ses douleurs dans le sein de son colonel, gentilhomme lui-même, mais qui avait fait depuis longtemps bon marché de son blason. D'abord parce qu'il avait épousé une fille du peuple, ensuite parce qu'il était sous les ordres d'un général de division roturier. « Ah ah !» dit le colonel, « G. ne veut pas vous donner sa fille. »« Non, parce que je ne suis pas gentilhomme. »« Et la petite vous aime ?»« Oui, mon colonel. »« Il faut l'enlever. » Le conseil était risqué, mais on sait que le capitaine Rigaud avait pour se marier l'autorisation de son père, celle du ministre de la guerre, et qu'il était muni d'un congé qui lui permettait de quitter son régiment. il ne s'agissait plus que d'avoir le consentement de Mademoiselle Amélie de G. C'était moins difficile qu'on ne pourrait le croire au premier abord. La nature s'accommode peu des conventions sociales. Le cœur d'une jeune fille de haut lignage se laisse quelquefois séduire par un vilain, et on a vu autant jadis plus d'une noble châtelaine distinguée des hommes de peu. Ici, l'affaire n'était pas tout à fait pareille, car enfin des jeunes gens qui étaient devenus capitaines sur le champ de bataille, qui à la suite de leur empereur et de ses maréchaux étaient en train de vaincre tous les rois de l'Europe, n'étaient pas des hommes de peu. Les conventions sociales changent avec le temps, et le même droit qui élevait le comte de G au-dessus d'une classe de ses compatriotes avant 89 devait le rendre plus raisonnable quand ce droit avait changé. C'était là du moins l'opinion de Mademoiselle Amélie de G, jeune personne d'ailleurs séduite par la beauté mâle et noble du capitaine qui entrait dans sa 21e année. Mademoiselle Amélie était un peu lasse d'aider son père à faire des pâtés. La vieille femme dont nous avons parlé fut de nouveau mise en campagne, elle devint la messagère des amours. Il y eut beaucoup de lettres envoyées et reçues de part et d'autre. Le capitaine jurait un amour éternel, parlait de son père qui acceptera avec joie une belle fille comme Mademoiselle de G, et insinuait qu'un enlèvement était le seul parti qu'eussent à prendre deux jeunes gens bien épris, quand un père barbare immole de cœur à un préjugé ridicule. C'était là l'avis du colonel du 10e régiment d'infanterie légère, homme grave, homme de bon conseil, excellent gentilhomme. Il ne faut oublier que Mademoiselle Amélie avait été élevée en Angleterre, pays où les jeunes personnes ont beaucoup plus de liberté qu'en France, où elles épousent à peu près tous ceux qu'elles aiment, ou du moins ceux qu'elles choisissent, et où les amants sont en général d'une bonne foi très rassurante. La jeune fille prêta donc une oreille complaisante aux prières et aux serments d'amour du capitaine. Elle suivit son cœur tout en écoutant, suivant elle, sa raison. N'avait-elle pas 21 ans? Et n'y a-t-il pas des gens mal avisés qui prétendent qu'à cet âge une demoiselle est déjà vieille? Ne sait-on pas aussi qu'une jeune personne se marie très difficilement sans dot? Cela était surtout vrai en 1865 où tous les épouseurs étaient aux armées. Ils étaient tués ou bien ils devenaient général, maréchal. Ils épousaient alors une princesse allemande ou italienne. Mademoiselle Amy se décida à se laisser enlever. C'est la chose du monde la plus simple et la plus facile qu'un enlèvement. Les amoureux y mettent trop souvent un luxe romanesque et d'autant plus ridicule qu'il ne peut que leur nuire. La nuit, les échelles de soie ou les draps noués qui pendent d'une fenêtre jusque dans la rue sont des moyens dangereux lorsqu'une jeune personne peut sortir par la porte en plein jour et sous le prétexte d'aller voir un parent ou une amie, prendre une rue de traverse et monter dans une chaise de poste qui l'attend attelée de 3 fourchevaux. Ce fut ainsi et fort bourgeoisement que Mademoiselle Amélie quitta la maison paternelle et monta dans la voiture du capitaine qui dit au postillon « À Paris ». M. G. se douta si peu de son malheur que sa fille roulait depuis 1 heure vers la capitale, qu'il ne savait encore rien et qu'il appelait sa fille. « Mademoiselle de G., vous irez demain au marché acheter 10 livres de truffes, s'il vous plaît. Ma provision tire à sa fin. » Ce fut peu de temps après ces événements que Brillat-Savarin arriva chez l'archichancelier avec un pâté, œuvre du gentilhomme auquel on venait d'enlever sa fille. « Permettez-moi de vous faire observer, monseigneur, dit le gastronome, quand il fut bien assis en face de Cambacérès, que ces pâtés ne se décoiffent pas, ils s'éventrent. Il est nécessaire de manger ces perdreaux rouges, merveilleusement truffés et désossés, avec la croûte qui les environne et qui est saturée de sucre et de parfums délicieux. « Agissez vous-même, dit Cambacérès en poussant le pâté devant Brillat-Savarin. Je m'en rapporte à votre expérience. » Cambacérès trouva le pâté excellent. Cependant, la sérieuse attention avec laquelle Brillat-Savarin découpait et dégustait le pâté frappa l'archichancelier. Profond jurisconsulte et diplomate achevé, il vint à penser que la visite inopinée de son convive, la porte d'un pâté, chose au fond futile, devait cacher quelque mystère. « Ceci n'est pas naturel, se dit-il. Il doit y avoir complication. » Alors l'archichancelier se mit sous les armes et se prépara à voir venir l'astucieux magistrat qui cachait ses projets secrets sous des dehors gastronomiques. « Vous m'avez promis une histoire, » dit-il à Brillat-Savarin. « Je crois que voici le moment de la conter. » Brillat-Savarin raconta ce que nous venons d'écrire, sauf l'enlèvement de Mademoiselle Achille de G., de peur d'indisposer l'archichancelier contre son petit parent, le capitaine Rigaud, et il eut soin surtout de montrer la lettre de M. de G à Mme Chevet et d'en faire remarquer la délicatesse et l'originalité. « Avouez, monseigneur, dit-il, qu'un homme pareil à M. de G eût été digne, s'il eût vécu dans l'Antiquité, d'être le cuisinier de Lucullus ou de la reine Cléopâtre, ou de votre Altesse, monseigneur, puisqu'il vit de nos jours. Sans doute, cette croûte surtout est d'une délicatesse. Et je ouis dire, poursuivait Savarin, que M. de G a un talent plus merveilleux encore pour les salmis. En vérité, oui, monseigneur. Je crois, dit Cambacérès, que je ne peux pas me dispenser de faire de M. G mon maître que. Ce sera cher, peut-être ? Ce sera peut-être impossible. Comment ? Un homme qui fait des pâtés pour le préfet de la Dordogne refuserait d'en faire pour moi ? Singularité d'artiste, monseigneur. Caprice d'homme de talent qui ne veut faire entrer dans ses préparations que des éléments de choix. Mais j'y pense. Monseigneur possède le bois du Petit Thiviers. Qu'est-ce que le Petit Thiviers ? C'est une forêt entre Brantôme et Périgueux qui est venue en la possession de votre Altesse par succession d'un Pierre Cambacérès mort il y a 3 ans. « Ah oui !» reprit Cambacérès, comme s'il se rappelait une chose oubliée. « Une forêt qui rapporte 3 ou 4 000 francs. C'est cela même. Et dont le régisseur, les gardes et les cantonniers payés, je touche net 100 écus. Eh bien ?»« Eh bien, votre Altesse oublie son chasseur, qui lui envoie des perdrix aussi délicieuses et des truffes aussi parfumées que celles qui sont dans ce pâté. » Donc, M. de G ne pourra pas se plaindre d'opérer avec des éléments inférieurs. Et vous croyez qu'il voudra bien être mon cuisinier ? Si nous pouvons une fois le tenir à Paris. Et pour l'y amener, il faut me donner carte blanche. Volontiers. Je compte sur votre parole, monseigneur. Vous pouvez y compter. 3 jours après cette conversation, un monsieur âgé d'une 40aine d'années, d'une assez haute stature, la tête couverte d'un chapeau rond sur lequel il ne paraissait pas à l'aise et revêtu d'une redingote bleue boutonnée jusqu'au menton, se présenta chez M. de G. Le gentilhomme ne faisait plus de pâté, il ne lisait plus ni Racine ni Shakespeare, la tête appuyée dans ses mains, il songeait à sa fille disparue et M. Rigaud qui sans doute était son cavalier et la conduisait Dieu savait où. Il se reprochait d'avoir quitté l'Angleterre puisqu'en France il venait de perdre le seul bien qui lui resta. « Monsieur, lui dit l'inconnu, vous êtes mandé à Paris, et voici un passeport qui vous permet de monter sur le champ en diligence pour vous y rendre. »« Que le diable emporte Paris !» s'écria M. de G, en mettant en pièces le passeport qu'on lui offrait. « Tout ce que je puis faire, si je suis suspect au gouvernement, c'est d'aller à Calais, et de là je passerai en Angleterre. Aussi bien, je ne veux pas demeurer à Périgueux. Mais, monsieur, d'abord nous sommes en guerre avec l'Angleterre, et on ne quitte pas ainsi la France sans une permission de l'empereur. Ensuite, il paraît que son Altesse Sérénissime, Monseigneur l'Archichancelier, a des communications importantes à vous faire. « Cambacérès, Cambacérès !» s'écria le malheureux M. de G. « Oui, le prince Cambacérès. » Il y avait alors en France une classe de gens que tous les miracles de l'empereur ne touchaient pas, qui ne tenaient pas compte de toute la gloire que le grand capitaine donnait à la France. Ces gens regrettaient l'ancien régime, et ceux qui, comme M. de G, étaient rentrés dans leur pays nus et dépouillés, nous semblent les plus excusables. Le gentilhomme périgourdin, qui n'ignorait pas que ces bois du Petit Thiviers étaient dans les mains de Cambacérès, au seul nom de l'archichancelier, entra dans une colère terrible, aigrie par sa pauvreté, par l'abandon et le rapt de sa fille. Sa bile s'épancha et déborda comme la lave dans une éruption du Vésuve. Confondant dans sa haine et dans ses injures l'empereur, l'archichancelier, les régicides, la convention et jusqu'à l'assemblée des notables, il en dit plus qu'il ne fallait pour se faire enfermer à tout jamais dans le donjon de Vincennes ou au château d'If, surtout si l'on songe qu'il parlait au capitaine de gendarmes Durand, car telle était la personne qui venait le prier amicalement de se rendre à Paris. Le capitaine de gendarmerie parut sourd aux énormités qui frappaient ses oreilles. Cependant, comme il avait prévu que sa demande ne serait pas accueillie, il fit un signe. 4 gendarmes se précipitèrent dans le salon de M. de G, l'enlevèrent et le portèrent dans une chaise de poste ou tattelée qui se trouvait devant la maison du gentilhomme. Le capitaine Durand s'assit à côté du prisonnier, et la chaise partit enlevée par un postillon qui comptait peu sur ses pourboires, mais qui marchait pour le service de l'État. Les premières heures du voyage se passèrent silencieusement. Enfin, le capitaine dit à M. de G, Vous n'avez pas dîné, monsieur, ni moi non plus. » Et sans attendre de réponse, il ouvrit la banquette de devant et en tira des provisions qui ne venaient pas de Périgueux. C'était l'huître de cancal marinée, le saumon en terrine, le homard assaisonné à l'huile et à la moutarde. On reconnaissait assez après les soins complaisants d'un gastronome qui avait voulu diminuer les ennuis d'un voyage forcé par quelques jouissances culinaires. En effet, Brillat Savarin dit quelque part qu'il n'est pas sûr qu'un honnête homme puisse vivre à Périgueux, puisque c'est un pays où la marée n'arrive pas. Quoique ses mets appétissants fussent accompagnés de vins des meilleurs crus de la Bourgogne et de Bordeaux, et que le capitaine de gendarmerie fût un convive agréable et de bonne compagnie, M. de G parut assez insensible aux attentions qu'on avait pour lui. Il mangea peu, but encore moins, et il s'endormit dans un coin de la chaise de poste, ou du moins fit semblant de dormir. Il n'était pas possible de dormir néanmoins pendant les 120 ou 130 lieues qui séparent Périgueux de Paris, et quelque misérable que soit notre sort, une curiosité vague, et que nous croyons alliée à l'indifférence, nous pousse toujours à savoir ce qui nous adviendra. Après 10 ou 12 heures de marche, M. de G crut pouvoir, sans nuire à sa dignité, adresser la parole au capitaine. « Monsieur, lui dit-il tout d'un coup, vous m'avez enlevé de mon domicile ?»« Oui, monsieur. » « Et vous me retenez ici, malgré moi. »« Quoique votre compagnie me soit fort agréable, monsieur, » répondit le capitaine, « je regrette d'avoir employé la violence pour vous contraindre à partir. »« Enfin, vous avez attenté à ma liberté individuelle. » M. de G oubliait qu'il n'était plus en Angleterre. « Je ne sais pas ce que c'est que votre liberté individuelle, » dit le capitaine. « J'obéis aux ordres de mon colonel qui a reçu ses instructions du ministre de la police. Voilà tout. » « Et vous me menez en prison ?»« Non, monsieur, je vous mène à Paris. »« Chez monsieur Cambacérès ?»« Oh non, on ne va pas ainsi chez l'archichancelier. »« Mais, monsieur, » reprit le capitaine de gendarmerie, « vous devez en savoir plus que moi là-dessus. »« Oui, » reprit monsieur Léger encore en proie à sa colère, « je sais comment enlever mon bien, puis ma fille, puis qu'on m'enlève moi-même. » Alors le capitaine de gendarmerie, se souvenant des invectives du gentilhomme contre le gouvernement et contre l'empereur lui-même, crut être chargé d'un prisonnier d'État important, d'un conspirateur, d'un chouan, d'un ancien agent de Pitt et de Cobourg. Il s'enveloppa dans son manteau, fit semblant de dormir, mais veilla sur sa capture avec un soin particulier. M. de G, de son côté, jurait en français et en anglais et regardait le capitaine, le meilleur des hommes, comme son bourreau. À chaque pas, suivant M. Leger, la chaise de poste pouvait s'arrêter, alors on le ferait descendre et on le fusillerait sur le bord d'un fossé. Ce fut au milieu de ces craintes mutuelles que les deux voyageurs, escortés de deux gendarmes, arrivèrent à Paris et s'arrêtèrent devant une assez belle maison située entre la chaussée d'Antin et le palais royal. Il était à peu près 10 heures du matin, Paris venait de se réveiller. Un soleil d'automne éclairait les rues de la capitale, et augmentait la bonne humeur d'une population de sa nature assez rieuse et assez gaie. Le capitaine prit poliment M. de G sous le bras et lui fit monter 2 étages. Ils entrèrent dans un appartement assez vaste et dont les plafonds étaient ornés de dorures qui dataient de Louis XV. Après avoir traversé plusieurs pièces, ils s'arrêtèrent dans un salon bien meublé, orné de panoplies de chasse et de pêche, de tableaux précieux et du buste en terre cuite de Mme Récamier, cousine de Brillat Savarin. C'était chez Brillat Savarin qu'ils étaient. Lui-même entra suivi d'un domestique porteur d'un plateau chargé de plusieurs verres et d'une bouteille de madère. Le vin circula. « Buvez, monsieur, » dit Brillat Savarin. « Ce vin sort de la cave de M. Bellow, propriétaire à Hartford dans le Connecticut, qui le tenait de Lord Wilmore. Cela vient de Madère, comme je suis né à Belley, département de l'Ain. » M. Leger portait le verre à ses lèvres et jetait des regards effarés sur son hôte inconnu. Le capitaine de gendarmerie buvait à petites gorgées et trouvait le vin excellent. « Monsieur, dit-il, voilà bien M. Leger. Parfaitement, je le reconnais. « Vous me reconnaissez ? Dit M. Leger au comble de l'étonnement. « Sans doute. « Monsieur, dit le capitaine, mon affaire est faite. Permettez-moi d'aller rendre compte de ma mission à mon colonel. « Allez, monsieur, et acceptez mes remerciements. » Dès que le capitaine fut parti, M. Leger croisa ses bras sur sa poitrine. « Ah ça » dit-il à Brillat Savarin, « vous me reconnaissez ?»« Certainement. Vous êtes le comte de G, et j'ai chassé avec vous dans les bois du Petit Tivier en 1786, il y a de cela 19 ans. Je ne me rappelle pas cela, monsieur, répondit monsieur de G avec mauvaise humeur. J'en suis fâché, mais c'est inutile. Oui, inutile, dit Brillet Savarin, pour faire un pâté. Pour faire un pâté? S'écria monsieur de G, dont la figure prit une expression de colère. Vous en faites d'excellent, reprit avec tranquillité Brillet Savarin. Monseigneur l'archichancelier a l'honneur de donner un dîner aux membres du Sacré Collège qui sont à Paris. Je ne vous parlerai pas de son Excellence le cardinal Fesch, ni du cardinal Maury, ni même de monseigneur du Belloy, archevêque de Paris, quoique ce dernier, avec lequel j'ai eu l'honneur de dîner souvent, soit un appréciateur distingué. Mais monsieur l'archichancelier aura à sa table les cardinaux Pamphili, Ruffo, Caracciolo, Saluzzo, Silla, des Romains, des Napolitains. Mon cher monsieur G, il faudra vous distinguer. Si l'on veut songer à la haine violente que portait monsieur de G au gouvernement d'alors, à la douleur que lui causait l'enlèvement de sa fille, et au peu de sympathie qu'il éprouvait pour l'archichancelier Cambacérès, possesseur de la petite forêt du Petit Tivier, on comprendra la rage de monsieur de G, homme naturellement peu endurant, et qui languissait depuis 15 ans dans une pauvreté humiliante. Cet homme qui, tout en faisant des pâtés, animait ses haines par la lecture de Shakespeare, ne put se contenir davantage. Vous êtes le suppôt, le geôlier de monsieur Cambacérès, dit-il d'une voix rude à Brillet Savarin. Je ne suis le suppôt de personne, répondit avec dignité le spirituel gastronome. J'ai l'honneur d'être magistrat. Quant à être geôlier, voyez, monsieur, les portes sont ouvertes. Et vos gendarmes? S'écria monsieur de G, qui saisit un homme chez lui, l'enlève et le livre à toutes les angoisses d'un malheureux qu'on va fusiller au coin d'un bois. Comment? On ne vous a pas dit qu'il s'agissait de faire un pâté? Et quand il s'agirait d'un pâté, de quel droit me priver de ma liberté? Vous avez refusé de venir lorsqu'on vous en priait. Cependant, M. de G comprenait instinctivement qu'il ne courait aucun danger, et que jusqu'à un certain point même il était maître de lui. Les portes du salon étaient en effet ouvertes, et en jetant un coup d'œil dans la rue, il put s'assurer qu'elle était libre et qu'aucun gendarme, aucun agent de police n'en gardait les issues. « Ah, je suis libre, » dit-il, et il fouilla dans sa poche et en tira quelques écus. « Je suis libre. » « Oui, monsieur. » « Et vous avez chassé avec moi dans mes terres il y a 20 ans, monsieur ?»« Il y a 19 ans, monsieur. » »« Eh bien, monsieur, si ce souvenir vous donne quelque confiance en moi, prêtez-moi 60 francs. »« Avec les 4 ou 5 écus que j'ai dans ma poche, cela me permettra de regagner Périgueux. »« Vous ne voulez donc pas absolument faire un pâté ?»« À Paris, non. » « Mais pour monseigneur l'archichancelier, pour M. Cambacérès, jamais. »« Vous lui devez cependant quelque reconnaissance. Il a marié votre fille. »« Ma fille ?» s'écria le gentilhomme, et son front un peu dégarni de cheveux se perla de gouttes de sueur. « Madame Rigaud, » dit tranquillement Brillet Savarin, « malédiction, Madame Rigaud, ma fille a épousé ce petit malandrin qu'il a enlevé. »« Doucement, doucement, » reprit Brillet Savarin, « ce petit malandrin est mon parent. » C'est mon cousin. Son père est le baron Rigaud. L'empereur l'a fait baron. Lui est monsieur le chevalier Rigaud du Petit Tivier, grâce aux soins de monseigneur l'archichancelier. Chevalier de la Légion d'honneur et chef d'escadron grâce à sa valeur, et dans 3 mois colonel. Nous avons à vous demander pardon, ajouta Brillet Savarin. Nous ne sommes pas assez de vous pour faire toutes ces belles choses, mais mon cousin, le chevalier Rigaud du Petit Tivier, devant partir dans quelques jours pour l'armée, nous ne pouvions pas retarder plus longtemps le mariage. Au même moment, une porte s'ouvrit et un jeune officier supérieur, sur la poitrine duquel brillait l'étoile de la Légion d'honneur, entra dans le salon tenant par la main une femme brillante de parure et surtout de beauté. « Monsieur et madame Rigaud du Petit Tivier, » dit un domestique en annonçant les nouveaux venus. Un homme de moins d'esprit même que monsieur de G aurait pardonné. Il embrassa sa fille, il embrassa son gendre, puisque désormais sa fille pourrait joindre au nom commun de Rigaud celui plus relevé de Petit Tivier. Il embrassa Brillet Savarin et se jeta sur un fauteuil suffoqué par l'émotion naturelle que donne à un homme la transition brusque d'un danger sans issue à un salut inespéré. C'était le naufragé qu'une lame jusque-là homicide jette par miracle sur la grève du rivage. Ainsi l'archichancelier donne le Petit Tivier en dot à ma fille. dit-il quand il fut un peu revenu à lui. « Et nous pourrons y chasser comme il y a 19 ans, » répliqua Brias Savarin, « avec la permission de madame. Mais alors il faut que j'aille remercier monseigneur l'archichancelier. C'est assez, mon avis, » dit Brias Savarin. Monsieur l'archichancelier reçut le gentilhomme avec autant de grâce que de bienveillance. Il ne voulut entendre parler ni de la forêt du Petit Ivier, ni même de pâté de perdreau, et comme M. de G. ne possédait rien, puisque le Petit Ivier était la dot de sa fille et qu'il avait servi le pays avant 89, Cambacérès le fit entrer dans les bureaux de M. le ministre de la Guerre. Tous les ans, en septembre, M. de G. confectionnait un pâté qu'il envoyait à son protecteur l'archichancelier. C'était, suivant M. de G., le meilleur pâté de France et de Navarre. Un jour, Brias Savarin alla trouver le gentilhomme pâtissier. « Mon cher ami, lui dit-il, autrefois vous n'avez pas voulu conclure un marché avantageux avec Madame Chevet, de peur de vous gâter la main en produisant trop. Hier, j'ai dîné chez l'archichancelier. J'ai goûté à votre dernière œuvre. Vous baissez, mon ami. Vous avez perdu quelque chose de votre talent. Vous produisez trop peu. » Monsieur de G. ne fit plus de pâté. Ainsi s'achève le pâté de perdreau par Marie Écart.